Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. 5h56, l'heure de retrouver Franck Ferrand, aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julien, bonjour à tous. Quel 23 mars avez-vous choisi de nous rappeler Franck? Ah, un 23 mars littéraire, celui de 1782, jour de la parution des Liaisons dangereuses de Pierre Coderlos de Laclos. L'histoire d'une rivalité à mort entre deux libertins, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont. On suit leurs aventures, à tous les sens du terme, à travers les lettres qu'ils échangent, lettres dédiées à la débauche, des lettres qui comptent peut-être parmi les plus brillantes, les plus inspirées d'un siècle où, par ailleurs, on écrivait à longueur de journée. Et comment le livre a-t-il été reçu, Franck ? Plutôt bien, et même très bien. On l'a tiré à 2000 exemplaires, ce qui pour l'époque est beaucoup. Le tirage s'est vite épuisé, on l'a réédité une dizaine de fois, ce qui ne veut pas dire que ce livre plaise à tout le monde. En cette fin de XVIIIe siècle, son immoralité choque. Elle indispose surtout l'aristocratie qui a su percevoir en ce livre une charge terrible à l'encontre de ses mœurs. Et puis, Coderlos de Laclos est un militaire, c'est un officier d'artillerie. Autant vous dire que sa hiérarchie ne voit pas ses écrits d'un très bon œil. Ouais. On lui ordonnera bien vite de rentrer dans sa garnison. On va l'envoyer à La Rochelle pour y participer à la construction d'un arsenal. Il va même être exilé dans l'île de Ré, si je puis dire. Est-ce qu'on est allé jusqu'à interdire le livre, Franck ? Non, curieusement. Les liaisons dangereuses sont décriées, évidemment, et leur auteur est lui-même conspué pour ses atteintes pernicieuses à la morale. L'un des contemporains dira « Parce qu'il a peint des monstres, on veut qu'il en soit un ». Seulement, le livre lui-même ne sera interdit qu'en 1823, c'est-à-dire sous la Restauration. À croire que la société s'était rigidifiée entre-temps, ce que j'ai tendance à croire. Un siècle plus tard, ce sont Gide, Giraudoux, Malraux qui le redécouvriront et lui restitueront sa place de chef-d'œuvre. Aujourd'hui, le roman de Coderlos de Laclos fait partie des grands classiques. Vous savez qu'on l'a adapté, je ne sais pas combien de fois, au cinéma, au théâtre, etc. Et Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, pour évoquer l'attentat de la rue Saint-Nicaise contre le premier consul Bonaparte. C'est noté, merci Franck Ferrand. À tout à l'heure, donc 14h pour Au cœur de l'Histoire. À venir dans